Deuxième partie, livre troisième, suite. Une grave leçon est à tirer de la vie de Bonaparte. Deux actions, toutes deux mauvaises, ont commencé et amené sa chute. La mort du duc d'Enghien, la guerre d'Espagne. Il a beau passer dessus avec sa gloire, elles sont demeurées là, pour le perdre. Il a péri par le côté même où il s'était cru fort, profond, invincible, lorsqu'il violait les lois de la morale en négligeant et en dédaignant sa vraie force, c'est-à-dire ses qualités supérieures dans l'ordre et l'équité. Tant qu'il ne fit qu'attaquer l'anarchie et les étrangers ennemis de la France, il fut victorieux. Il se trouva dépouillé de sa vigueur aussitôt qu'il entra dans les voies corrompues. Le cheveu coupé par Dalila n'est autre chose que la perte de la vertu. Tout crime porte en soi une incapacité radicale et un germe de malheur. Pratiquons donc le bien pour être heureux, et soyons justes pour être habiles. En preuve de cette vérité, remarquez qu'au moment même de la mort du prince, commença la dissidence qui, croissant en raison de la mauvaise fortune, détermina la chute de l'ordonnateur de la tragédie de Vincennes. Le cabinet de Russie, à propos de l'arrestation du duc d'Enghien, adressa des représentations vigoureuses contre la violation du territoire de l'Empire. Bonaparte sentit le coup, et répondit dans le Moniteur par un article foudroyant qui rappelait la mort de Paul Ier. À Saint-Pétersbourg, un service funèbre avait été célébré pour le jeune Condé. Sur le cénotaphe, on lisait « Au duc d'Enghien, quem deo rauit bellua Corsica ». Les deux puissants adversaires se réconcilièrent en apparence dans la suite, mais la blessure mutuelle que la politique avait faite et que l'insulte élargie leur resta au cœur. Napoléon ne se crut vengé que quand il vint coucher à Moscou. Alexandre ne fut satisfait que quand il entra dans Paris. La haine du cabinet de Berlin sortit de la même origine. J'ai parlé de la noble lettre de M. de la Forêt, dans laquelle il racontait à M. de Talleyrand l'effet qu'avait produit le meurtre du duc d'Enghien à la cour de Potsdam. Madame de Staël était en Prusse lorsque la nouvelle de Vincennes arriva. « Je demeurais à Berlin, dit-elle, sur le quai de la Sprée, et mon appartement était au rez-de-chaussée. Un matin, à 8 heures, on m'éveilla pour me dire que le prince Louis-Ferdinand était à cheval sous mes fenêtres, et me demandait de venir lui parler. « Savez-vous, me dit-il, que le duc d'Enghien a été enlevé sur le territoire de Baden, livré à une commission militaire et fusillé 24 heures après son arrivée à Paris ?»« Quelle folie !» lui répondis-je. « Ne voyez-vous pas que ce sont les ennemis de la France qui ont fait circuler ce bruit ?» En effet, je l'avoue, ma haine, quelque forte qu'elle fût contre Bonaparte, n'allait pas jusqu'à me faire croire à la possibilité d'un tel forfait. « Puisque vous doutez de ce que je vous dis, me répondit le prince Louis, je vais vous envoyer le Moniteur, dans lequel vous lirez le jugement. » Il partit à ces mots, et l'expression de sa physionomie présageait la vengeance ou la mort. Un quart d'heure après, j'eus entre les mains ce Moniteur du 21 mars, 30 pluvieuses, qui contenait un arrêt de mort prononcé par la commission militaire séant à Vincennes contre le nommé Louis d'Enghien. C'est ainsi que des Français désignaient le petit-fils des héros qui ont fait la gloire de leur patrie. Quand on abjurerait tous les préjugés d'illustre naissance que le retour des formes monarchiques devait nécessairement rappeler, pourrait-on blasphémer ainsi les souvenirs de la bataille de Lens et de celle de Rocroi? Ce Bonaparte qui en a tant gagné des batailles ne sait pas même les respecter. Il n'y a ni passé ni avenir pour lui. Son âme impérieuse et méprisante ne veut rien reconnaître de sacré pour l'opinion. Il n'admet le respect que pour la force existante. Le prince Louis m'écrivait en commençant son billet par ces mots « Le nommé Louis de Prusse fait demander à Madame de Staël, etc. » Il sentait l'injure faite au sang royal dont il sortait, au souvenir des héros parmi lesquels il brûlait de se placer. Comment, après cette horrible action, un seul roi de l'Europe a-t-il pu se lier avec un tel homme? La nécessité, dira-t-on. Il y a un sanctuaire de l'âme où jamais son empire ne doit pénétrer. S'il n'en était pas ainsi, que serait la vertu sur la terre? Un amusement libéral qui ne conviendrait qu'aux paisibles loisirs des hommes privés? Note. Madame de Staël, 10 années d'exil, page 98. Fin de note. Ce ressentiment du prince, qu'il devait payer de sa vie, durait encore lorsque la campagne de Prusse s'ouvrit, en 1806. Frédéric Guillaume, dans son manifeste du 9 octobre, dit « Les Allemands n'ont pas vengé la mort du duc d'Enghien, mais jamais le souvenir de ce forfait ne s'effacera parmi eux. » Ces particularités historiques, peu remarquées, méritaient de l'être. car elles expliquent des inimitiés dont on serait embarrassé de trouver ailleurs la cause première, et elles découvrent en même temps ces degrés par lesquels la Providence conduit la destinée d'un homme pour arriver de la faute au châtiment. Heureuse du moins ma vie, qui ne fut ni troublée par la peur, ni atteinte par la contagion, ni entraînée par les exemples. La satisfaction que j'éprouve aujourd'hui de ce que je fis alors me garantit que la conscience n'est pas une chimère. Plus content que tous ces potentats, que toutes ces nations tombées aux pieds du glorieux soldat, je relis avec un orgueil pardonnable cette page qui m'est restée comme mon seul bien et que je ne dois qu'à moi. En 1807, le cœur encore ému du meurtre que je viens de raconter, j'écrivais ces lignes. Elles firent supprimer le mercure et exposèrent de nouveau ma liberté. Lorsque dans le silence de l'abjection, l'on n'entend plus retentir que la chaîne de l'esclave et la voix du délateur, lorsque tout tremble devant le tyran, et qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l'historien paraît chargé de la vengeance des peuples. C'est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà né dans l'Empire. Il croit, inconnu, auprès des cendres de Germanicus, et déjà l'intègre Providence a livré à un enfant obscur la gloire du maître du monde. Si le rôle de l'historien est beau, il est souvent dangereux. Mais il est des autels comme celui de l'honneur, réclament encore des sacrifices. Le dieu n'est point anéanti parce que le temple est désert. Partout où il reste une chance à la fortune, il n'y a point d'héroïsme à la tenter. Les actions magnanimes sont celles dont le résultat prévu est le malheur et la mort. Après tout, qu'importent les revers, si notre nom prononcé dans la postérité va faire battre un cœur généreux 2000 ans après notre vie. Note. Ces lignes sont extraites de l'article publié par Chateaubriand dans le Mercure du 4 juillet 1807 sur le voyage pittoresque et historique en Espagne par M. Alexandre de Laborde. Chateaubriand reviendra dans le tome suivant sur cet article du Mercure. Fin de note. La mort du duc d'Enghien, en introduisant un autre principe dans la conduite de Bonaparte, décomposa sa correcte intelligence. Il fut obligé d'adopter, pour lui servir de bouclier, des maximes dont il n'eut pas à sa disposition la force entière, car il les faussait incessamment par sa gloire et par son génie. Il devint suspect, il fit peur, on perdit confiance en lui et dans sa destinée, il fut contraint de voir, sinon de rechercher, des hommes qu'il n'aurait jamais vus et qui, par son action, se croyaient devenus ses égaux. La contagion de leur souillure le gagnait. Il n'osait rien leur reprocher, car il n'avait plus la liberté vertueuse du blâme. Ses grandes qualités restèrent les mêmes, mais ses bonnes inclinations s'altérèrent et ne soutinrent plus ses grandes qualités. Par la corruption de cette tâche originelle, sa nature se détériora. Dieu commanda à ses anges de déranger les harmonies de cet univers, d'en changer les lois, de l'incliner sur ses pôles. Les anges, dit Milton, poussèrent avec effort obliquement le centre du monde. Le soleil reçut l'ordre de détourner ses rênes du chemin de l'équateur. Les vents déchirèrent les bois et bouleversèrent les mers. The with labor pushed oblique the centric globe. The sun was bitten rains from the equinoctial road. Winds rend the woods and seas upturn. Les cendres de Bonaparte seront-elles exhumées, comme l'ont été celles du duc d'Enghien? Si j'avais été le maître, cette dernière victime dormirait encore sans honneur dans le fossé du château de Vincennes. Cet excommunié eût été laissé, à l'instar de Raymond de Toulouse, dans un cercueil ouvert. Nulle main d'homme n'aurait osé dérober sous une planche la vue du témoin des jugements incompréhensibles et des colères de Dieu. Le squelette abandonné du duc d'Enghien et le tombeau désert de Napoléon à Sainte-Hélène feraient pendant. Il n'y aurait rien de plus remémoratif que ces restes en présence aux deux bouts de la terre. Du moins, le duc d'Enghien n'est pas demeuré sur le sol étranger, ainsi que l'exilé des rois. Celui-ci a pris soin de rendre à celui-là sa patrie. Un peu durement, il est vrai, mais sera-ce pour toujours. La France, tant de poussière vanée par le souffle de la Révolution l'atteste, n'est pas fidèle aux ossements. Le vieux Condé, dans son testament, déclare qu'il n'est pas sûr du pays qu'il habitera le jour de sa mort. Ô Bossuet, que n'auriez-vous point ajouté au chef-d'œuvre de votre éloquence si, lorsque vous parliez sur le cercueil du grand Condé, vous eussiez pu prévoir l'avenir? C'est ici même, c'est à Chantilly, qu'est né le duc d'Enghien. Louis-Antoine-Henri de Bourbon, né le 2 août 1772, à Chantilly, dit l'arrêt de mort. C'est sur cette pelouse qu'il joua dans son enfance. La trace de ses pas s'est effacée, et le triomphateur de Fribourg, de Nordlingen, de Lens, de Senef, où est-il allé avec ses mains victorieuses et maintenant défaillantes? Et ses descendants, le condé de Johannisberg et de Bertstheim, et son fils et son petit-fils, où sont-ils? Ce château, ces jardins, ces jets d'eau, qui ne se taisaient ni jour ni nuit, que sont-ils devenus? Des statues mutilées, des lions dont on restaure la griffe ou la mâchoire, des trophées d'armes sculptés dans un mur croulant, des écussons à fleurs de lys effacés, des fondements de tourelles rasés, quelques coursiers de marbre au-dessus des écuries vides que n'anime plus de ses hennissements le cheval de Rocroy, près d'un manège une haute porte non achevée. Voilà ce qui reste des souvenirs d'une race héroïque. Un testament noué par un cordon a changé les possesseurs de l'héritage. À diverses reprises, la forêt entière est tombée sous la cognée. Des personnages des temps écoulés ont parcouru ces chasses, aujourd'hui muettes, jadis retentissantes. Quel âge et quelle passion avaient-ils lorsqu'ils s'arrêtaient au pied de ces chênes? Oh, mes inutiles mémoires, je ne pourrais maintenant vous dire qu'à Chantilly, Condé, vous lise, quelquefois, qu'Enghien en soit touché. Note. Boileau, épître 7, à Monsieur Racine. Fin de note. Hommes obscurs, que sommes-nous auprès de ces hommes fameux? Nous disparaîtrons sans retour, vous renaîtrez, œillés de poète, qui reposez sur ma table auprès de ce papier, et dont j'ai cueilli la petite fleur attardée parmi les bruyères. Mais nous, nous ne revivrons pas avec la solitaire parfumée qui m'a distrait. Ici se termine le livre 3 de la deuxième partie des Mémoires d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand.